Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, les 70 ans d'Israël, les bougies du désenchantement. Une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a un anniversaire, un État encore jeune et une démocratie qui se questionne. Il y a aussi un espace géographique qui l'a précédé, ceux qui étaient là et un territoire disputé. Et puis il y a des couches d'histoire, des trajectoires individuelles, des décisions internationales, le sionisme, la Shoah, les enjeux du présent et une identité devenue un millefeuille. Et enfin un État qui se voulait exemplaire, à moins que ce soit nous qui l'ayons rêvé exemplaire, et devenu comme n'importe quel autre et traversé par des conflits insolubles, qu'on pourrait chercher d'ailleurs à résoudre par l'archéologie. Alors pour commencer les personnages, un colon convaincu, un Palestinien qui a peur d'être expulsé, un rabbin colonisateur, un couple de colons nostalgiques, les enfants d'Abraham, un historien avec des mots clairs, une femme mariée à un Palestinien, un colon armé, un archéologue militant, David, comme une figure du nationalisme, et des habitants surveillés. Ensuite le décor, un retour aux racines, un bulldozer, des villes scindées en secteurs, des checkpoints, Hébron, l'archéologie comme un drapeau, le sionisme, la foi, une société inégalitaire, les accords d'Oslo, un massacre, le souvenir des pionniers, une vue sur le mont des Oliviers et des appartements rachetés à prix d'or. Aujourd'hui, troisième épisode, on sort les mégaphones. Les pays européens nous disent que ce n'est pas notre foyer, que ce n'est pas notre terre. Naftali Bennett, homme d'affaires, dirigeant du foyer juif. Alors quoi, je suis SDF ? Parti nationaliste, sioniste et religieux. Notre réponse à la Commission européenne, c'est davantage d'enfants et davantage d'implantations. C'est ici, Yovetmond. Itzhak Rabin. Hier, j'ai visité deux implantations de 30 familles chacune. Assurer leur sécurité et leur fournir des voies d'accès revient à 250 000 dollars par famille. « 70 ans d'Israël, les bougies du désenchantement, une terre trois fois sainte et la question palestinienne » par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. On est attaché à cette terre d'une façon historique, totalement. Et il se passe quelque chose de très, très, très spécial quand on revient sur notre terre. On retrouve notre place d'où on a été expulsé, d'où on nous a arraché de notre terre. En fait, on relie les mêmes racines qu'un pied de vigne qui a été transporté, on va dire de la Bourgogne. Il a été mis en Champagne et il a été retransféré après dans la Bourgogne. Et les fruits redonnent les mêmes fruits. C'est peut-être une explication un peu imaginaire de imager de la situation, mais c'est vraiment ce qui se passe au niveau du juif qui revient sur sa terre. Et quand je suis arrivé ici, il y a eu quelque chose de... Ben justement, mes racines ont repris leur place et j'ai senti que j'étais à ma place. On parle d'un endroit où... La capitale d'Israël, Jérusalem, qu'on rappelle dans toutes nos prières depuis des milliers d'années maintenant. Donc venir habiter ici et vivre ici, pour moi, c'est la chose la plus naturelle au monde. La catastrophe, c'est que la municipalité veut détruire cette zone sous prétexte de construire un parc archéologique. En fait, elle veut judaïser l'endroit. Et c'est nous qui en faisons les frais. Ce qui est le plus dur à vivre, c'est chaque jour de se dire que c'est peut-être votre dernier jour dans votre maison, votre dernier jour avec votre femme ici, que vous ne savez pas ce qui va arriver. Si vous apercevez un caterpillar en train de détruire une maison, vous vous dites que la vôtre sera la prochaine et que vous allez être jeté à la rue. C'est dur de vous dire que vous allez perdre votre royaume, parce qu'une maison, ce ne sont pas que des murs, une porte et des fenêtres. C'est votre vie, c'est votre foyer, votre futur, c'est votre famille, c'est votre mémoire, votre passé. C'est tout ce que vous avez ici-bas. À partir du moment où nous avons reçu l'avis de démolition, mes voisins et moi avons commencé à voir la vie en noir. Nous n'avons plus pu envisager un avenir heureux, mais un avenir de souffrance. Alors, donc là, on est dans, au nord-ouest de H1, donc partie sous contrôle de l'autorité. Et on va descendre dans la vieille ville, dans H2. Donc là, on est au carrefour de l'université. Et on va prendre un grand axe parallèle au grand axe nord-sud, mais en passant un peu par au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Et comme, en fait, le bas de la ville, c'est comme un cul-de-sac, puisque la circulation est interdite et impossible en voiture dans H2. On ne peut plus descendre tout droit. Pourquoi c'est impossible ? On contourne un peu. Bah parce que y a des... D'abord, la vieille ville, bon, c'est une vieille ville construite sur le modèle Mamelouk, donc on ne peut pas circuler, c'est des allées assez étroites. Et puis, parce que le fameux grand axe, la rue des Martyrs, est interdit à la circulation, sauf aux colons, à l'armée et à la police israélienne. Et qu'il y a un système de checkpoint qui fait que vous ne pouvez pas passer en voiture, en tout cas. On va se garer à l'entrée de la vieille ville. Le klaxon ici est un élément indispensable. Alors, vous voyez la petite centrale électrique là, à gauche ? Ça, ça alimente les colonies. Il y a combien de colonies dans le coin ? Dans Hébronville, il y en a 5. Il y a Tel Rumeida, Beth Hadassa, Beth Romano, Avraham Avinu, qu'on appelle ici le marché, LSB, parce que c'est juste au milieu du marché, de l'ex-marché de fruits et légumes, qui est la plus grande et qui est en partie construite sur d'anciennes propriétés de la communauté juive qui était là jusqu'en 1929. Après avoir épousé un Palestinien, Chantal Abouéché s'installe en Cisjordanie, il y a plus de 30 ans, à Hébron exactement. Ville arabe de 200 000 habitants, à 35 km au sud de Jérusalem. Considérée comme une des plus anciennes cités du monde, elle renferme le célèbre Haram al-Ibrahimi, le tombeau des patriarches, lieu saint des trois religions monothéistes. C'est ici, en plein cœur de la vieille ville, là où l'archéologie a pris toute sa dimension politique, que des colons israéliens s'installent en 1976 sous l'impulsion du Gush Emunim, mouvement politique et messianique qui milite pour l'établissement de colonies juives en Cisjordanie, mouvement fondé entre autres par le célèbre rabbin Moshe Levinger. Une vieille ville qui compte aujourd'hui 500 colons et près de 2000 soldats pour les protéger. Au premier rendez-vous avec le général Gazit, il m'a dit que l'installation dans les territoires était une question complexe, que les Arabes n'accepteraient pas. J'ai alors compris que ça prendrait des années. Ça nous a convaincus que seul l'acte de nous réinstaller nous rendrait crédibles. Le rabbin Levinger réserve des chambres pour lui et ses disciples au parc-hôtel à Hébron pour y célébrer la Pâque. Il dit à l'hôtelier qu'ils sont un groupe de touristes suisses. Le lendemain, Levinger et ses disciples refusent de partir et déclarent qu'ils viennent dès cet instant de rétablir la communauté juive d'Hébron. Le gouvernement évite d'approuver ou de désapprouver. Noam Arnon, rabbin et porte-parole des colons juifs de Hébron, est leader du mouvement pour un renouvellement des implantations juives à Hébron. Quand on est arrivé en 1967, car vous savez, jusqu'en 1967, on ne pouvait pas venir. C'était sous occupation jordanienne. Et les juifs ne pouvaient même pas venir comme touristes. Quand nous sommes arrivés ici, l'endroit a été détruit. C'était comme Londres après le Blitz. C'était complètement détruit. Et la synagogue n'était qu'un monticule de terre, avec dessus des animaux qui se promenaient, des ânes, des chèvres. Donc ça a été très très long de tout reconstruire. J'étais chargé des fouilles dans la synagogue en 1976. C'était mon premier projet à Hébron. J'étais jeune, mais je l'ai fait. Nous creusions dans la terre, la poussière, les déchets, tout ça. Et nous avons trouvé la synagogue. Maintenant, vous pouvez la voir ici. La synagogue est reconstruite. Nous entrons dans la synagogue d'Abraham. Les kippas sont là. Vous pouvez en prendre une. L'endroit était mort et enterré. Aujourd'hui, il revit. C'est l'histoire fondamentale d'Hébron. Et plus que ça, je pense que c'est l'histoire fondamentale de l'État d'Israël. C'est l'histoire juive. C'est une histoire de tragédie, une histoire de destruction, une histoire d'exil. Et c'est une histoire de retour, de renaissance, de reconstruction. Donc ce petit bâtiment, cette synagogue, c'est un symbole de toute l'histoire de l'État d'Israël. Vous pouvez voir ici d'anciens rouleaux de la Bible, probablement originaires de Bagdad. Moi, je suis en Israël depuis une quarantaine d'années. J'ai commencé par Jérusalem. Ensuite, je me suis très vite trouvée dans ce que vous appelez les implantations. Et Kiryat Arba, Hebron. Pourquoi vous dites de ce que vous appelez les implantations? Vous appelez ça, ça comment? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Je veux parler votre langage. Stéphane, je suis en Israël depuis bientôt 30 ans. Je fondais ma famille ici à Kiryat Arba, à Hebron. Il faut bien comprendre que le peuple hébreu a des racines dans cette place. Et il se passe quelque chose de très très très spécial quand on revient sur notre terre. C'est la dimension mystique. C'est la dimension. Il n'y a absolument rien de mystique. Absolument rien de mystique. Il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de mystique. C'est comme un Corse que tu vas mettre en Bretagne et ses enfants vont revenir en Corse. Ils vont se sentir tout de suite impliqués dans la communauté, impliqués dans les paysages, impliqués dans la terre, impliqués dans tout ce qui est leurs racines. Alors, chaque juif a sa place, puisqu'on fait partie de 12 tribus. Apparemment, nous, on fait partie de la tribu d'Yehuda, et la tribu d'Yehuda, c'est son royaume, c'est ici. Dans le livre le plus lu au monde, le plus connu dans le monde, qui est la Bible, c'est le témoignage le plus frappant. Notre histoire a commencé ici. Il ne s'agit pas de mystique, simplement de notre droit à quelque chose qui est reconnu par le monde entier. C'est tout. Même si aujourd'hui, il y a des problèmes, il n'y a aucun doute que dans le livre le plus lu au monde, nous sommes les enfants d'Abraham. Pendant de longues années, plus de 1000 ans, pas du 1000, 1800 ou 1700. Pour le judaïsme, cette terre était une terre sacrée. Shlomo Zand, historien. Mais cette terre était tellement sacrée qu'il ne faut pas émigrer comme collectif. C'était interdit. Comme le Messie va arriver, à ce moment-là, tout va changer. Mais seulement avec le Messie. L'essence, le cœur du judaïsme, à travers des âges, à travers toutes les communautés, était que la rédemption peut arriver, et l'arrivée de cette terre peut peut seulement se produire avec le Messie. Si on nie ça, on ne comprend pas le judaïsme. Ces colons là-bas, c'est une transformation radicale du judaïsme. J'accorde à chacun la définition qu'il veut, en général. Je ne crois pas qu'ils sont des juifs. Pas que les juifs étaient purs ou quelque chose comme ça. Il y a des vacheries et je ne veux pas glorifier ni le catholicisme ni le judaïsme. Mais le judaïsme n'est pas le sionisme. Et on fait une grande erreur de mélanger les deux. Ces colons, bon, ils se disent juifs, d'accord. Ils sont les propriétaires de ces terres, d'accord. Ça fait plus de 100 ans que nous faisons une colonisation permanente qui jamais n'a pas cessé. Jusqu'en 1948, il y avait des colonisations. Vous pouvez les supporter ou non, mais c'est une colonisation. D'ailleurs, jusqu'à la guerre de 1948, seulement 10% de la terre était achetée. Toutes les autres étaient acquises dans la guerre de 1948. Il ne faut pas oublier ça. Sans compenser, d'ailleurs. Les colons, ils m'énervent. Oui, ils m'énervent parce qu'ils n'ont pas qu'un sens de morale universelle. Les Palestiniens n'existent pas pour eux. D'ailleurs, comme les OAS, comme beaucoup de colons français en Algérie, hein, ils ont vécu à côté, ils n'ont pas vu les Arabes. C'est les mêmes propos de beaucoup de colons en Algérie. Les mêmes, mot par mot. Ils nous aiment. Le fait qu'on ne vit pas en égalité, qu'ils n'ont pas aucun droit politique, civique, etc. Ça, on ne pense pas. Les colons ne voulaient pas penser. Mais pour moi, ces colons-là peuvent créer des choses terribles demain si vous, les Français, les Européens, ne vont pas nous sauver de ce conflit. Je ne crois pas qu'il y aura des changements de dedans dans la société israélienne tant qu'il n'y a pas de pression de dehors. Nous avons toujours eu de bons rapports, évidemment pas avec les extrémistes, mais de très bons rapports quotidiens avec les Arabes. Vous pouvez imaginer que je me promenais dans Hebron, dans Hébron, toute seule, une femme. Je faisais mes achats sans aucun problème. On descendait quelquefois dans le chouk. Le chouk, c'est le... Vous savez ce que c'est? C'est un mot connu. Imaginez que je pouvais aller faire mes courses un vendredi soir. Je ne parle même pas dans la journée. Pardon, pas vendredi soir. Jeudi soir. J'allais faire mes courses pour le Shabbat. Je faisais mes courses le soir, après la tombée de la nuit. Je n'étais pas agressée par personne. Et je n'ai jamais porté d'arme. Et je ne vais pas aller faire des courses avec une arme. Ce serait quand même ridicule. On avait de très bons rapports. On allait boire le café chez eux, ils venaient chez nous. Il n'y avait pas de différence. Jusqu'à une certaine date. Quelle date pensez-vous que je dirais? 13 septembre 1993. We say to you today, in a loud and a clear voice. Aujourd'hui, d'une voix claire et forte, nous vous disons assez de sang, assez de larmes, assez. Aujourd'hui, il faut donner une chance à la paix. Giving peace a chance. Après une imperceptible hésitation, Rabin et Yasser Arafat vont enfin oser l'impensable, se serrer la main comme pour sceller un jour que chacun veut historique. Depuis les accords d'Oslo, alors quelque chose nous a séparés, complètement. Depuis les accords d'Oslo, on a eu énormément de difficultés. On continue à avoir des bons rapports. Mon garagiste, il est arabe, il est extraordinaire, je l'adore. Mais maintenant, c'est beaucoup plus en silence. Au niveau individuel, on peut avoir d'excellents rapports. Mais attention, il ne faut pas que ça se sache chez eux. Parce qu'il y a une forme de terreur aussi entre eux. Au niveau collectif, ils n'affirmeront pas que nous sommes corrects. Alors, eux ont perdu et nous avons perdu. Tout ça, ce sont les accords d'Oslo. Qu'est-ce qu'ont changé les accords d'Oslo, justement, par rapport à cette ville? Les accords d'Oslo ont provoqué la réaction d'un certain nombre de colons qui étaient contre les accords d'Oslo. Chantal Abou Aïché. En particulier ce fameux Baruch Goldstein qui est entré en février 1994 dans la mosquée d'Abraham, qui a tiré dans le tas des fidèles pendant la prière, pendant Ramadan. Il y a eu 29 tués, 200 blessés. Et à partir de là, ça a été vraiment la fin de la vieille ville telle qu'on pouvait la connaître avant. En 1994, on était encore dans le processus d'Oslo, mais la vieille ville s'est trouvée d'abord coupée en deux, parce que l'axe principal nord-sud a été interdit à la circulation, parce que là, c'est là que se trouve l'entrée des principales colonies. Bon, l'argument des Israéliens, ça a été on a peur que la population palestinienne ne s'en prenne aux colons suite à ce massacre, donc il faut sécuriser la zone, c'est-à-dire la vider le plus possible. Donc fermeture de cet axe principal, la fameuse rue des Martyrs, fermeture du marché de Gros, de la station centrale des autobus, de la station centrale des taxis, donc partie de la ville morte, quoi. Bon, sinon, conséquence positive, mais qui ne l'est plus tant que ça, parce que l'armée israélienne fait un peu ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. 80% de la ville est passée sous contrôle de l'autorité palestinienne, de ce qu'on appelle H1. Et puis la partie, c'est-à-dire de la vieille ville et les axes qui permettent d'arriver aux colonies, c'est la zone H2, donc qui est restée sous contrôle militaire israélien. Mon père est un immigrant russe. Il est venu en Israël à la fin des années 70. C'est un intellectuel, il est mathématicien. Jonathan Berg, écrivain. C'est un homme qui admire la bravoure et le courage. Ma mère est d'origine allemande. Et elle a été élevée dans un courant orthodoxe classique, chez qui aussi les actes de bravoure et de courage au service de la communauté sont valorisés. Après Sébastien, en 1974, après que la première colonie se soit installée, je pense que pour les religieux et les sionistes, la plus grande preuve de dévotion qu'ils pouvaient accomplir était de rejoindre les colonies. De ressentir les mêmes choses que les premiers Chalutzim, les premiers pionniers en Israël. Ils voulaient ressentir le sentiment ancien et glorieux d'accomplir quelque chose de bien pour le sionisme, pour le pays, occuper la terre. Je peux comprendre d'où ça vient. Israël a toujours besoin de ressentir que les individus agissent pour la communauté. Et je pense que c'était ce qui attirait les gens dans les colonies au début. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin de courage individuel, mais pas à la manière des colons, plutôt au service d'un processus de paix, ou simplement au service de la création d'une société moins violente et moins raciste. Alors là, on est vraiment à l'entrée de la vieille ville. En face de vous, c'est l'ancienne mairie. Tout ce qui est proche d'une colonie est interdit d'accès aux Palestiniens. Donc tous ces magasins aussi sont fermés depuis 1994. Ici, c'est l'objectif primaire des colons, hein, c'est de faire partir le plus possible de Palestiniens. Ils ont réussi dans la mesure où on est passé de 5000 à 500 personnes. Enfin, il faut vraiment être motivé pour rester. Hein. Parce que vous allez voir, ne serait-ce que pour faire un ravitaillement classique pour une famille de 5-7 personnes, vous vous trimballez les trucs, je sais pas moi, une bouteille de gaz ou vous faites des emplettes de X kilos de fruits et légumes, il faut passer des tourniquets avec. Vous prenez vos trucs comme vous pouvez, enfin... C'est vraiment insupportable, sans compter les enfants qui doivent passer les checkpoints. Vous voyez des installations, des surveillances militaires, il y en a un peu partout. Vous en avez là, vous avez évidemment un autre soldat à droite. On arrive dans une maison qui se trouve être vraiment assez coincée. Entre, derrière l'escalier, là, vous avez une colonie. Ici, vous avez une maison palestinienne. Au bout du passage, vous avez une autre colonie. Et sur votre droite, encore une. Le petit passage que vous voyez en face, c'était le souk des bijoutiers, qui a été fermé sur ordre de l'armée, qui n'a jamais rouvert. Donc là, c'est la colonie et le terrain de jeu des enfants, avec un petit passage qui permet aux colons de venir sur le toit, là, et puis de balancer différentes choses. C'est quand même l'un des endroits les pires en matière de situation dans la vieille ville. Hein. Donc ce passage des bijoutiers, maintenant, c'est des barbelés, c'est un dépotoir. Voilà, c'est un dépotoir. Donc c'est un dépotoir, c'est l'un des endroits franchement les plus tristes, alors que c'était très animé, il y avait un petit restaurant au bout, enfin... Alors là, vous voyez, on est dans un axe qui amène à la vieille ville. Et vous avez au-dessus de vous des structures métalliques avec des filets métalliques pour protéger les passants de ce que les colons jettent. Bon, il y a eu une machine à laver une fois qui a carrément été balancée, des parpaings, des personnes qui ont été blessées parce qu'elles se sont retrouvées avec des trucs sur la tête. Parce que là, on est dans des petites ruelles où là, la plupart des boutiques sont fermées et... les colonies sont au-dessus de nous. Nous, on est en contrebas des colonies. Voilà, alors sous le bâtiment, Batadassa, il y a des boutiques qui doivent appartenir à des Palestiniens, mais qui sont fermées. Donc le commerçant, il installe son étal à l'extérieur. Tout ça est vide, hein, et puis habitants palestiniens. Parce que proche de la colonie. Alors, percement des réservoirs d'eau, urine jetée dans des bouteilles de coca sur la tête des gens. Vous vous demandez pourquoi les Palestiniens réagissent pas plus. Vexation, empêchement de circuler, etc. Bah, c'est pas trop compliqué, c'est que le dispositif militaire, il est quand même très présent. Vous voyez, au-dessus de vous à gauche, vous avez un point d'observation militaire. Au-dessus à droite, il y en a un autre. Bon, donc entre les caméras, la présence des militaires, etc., le Palestinien qui a envie de manifester son mécontentement, il est très vite repéré. Premièrement, Hébron est un exemple compliqué, un exemple unique. En raison de l'impossibilité d'avoir une séparation entre les deux communautés. Dans la plupart des colonies, il y a une séparation physique avec les Palestiniens. Et c'est crucial. Il n'y a pas ça à Hébron. À Hébron, ils vivent imbriqués, ce qui est problématique. En fait, nous devons affronter la question de la fascination qu'éprouvent les Israéliens pour cette terre, mais aussi celle qu'éprouvent les Palestiniens, les deux nations. À cause du traumatisme de l'exil juif et de l'Holocauste, du traumatisme palestinien de 1948, les sentiments à l'égard de cette terre sont exacerbés. Pour moi, la prochaine étape de l'évolution et du changement dans le judaïsme consistera à nous libérer de cette fascination pour la terre. J'ai le sentiment profond que désormais nous n'en avons plus besoin. J'ai le sentiment profond que le judaïsme est une identité assez forte dans le monde pour exister sans cette fascination pour la terre. Je pense que la capacité à abandonner cette fascination permettra au judaïsme d'ouvrir un dialogue avec les autres religions. Je pense que la fascination pour un territoire entrave la capacité de dialoguer. Où on est là? On est à la porte de Shrem. Géographiquement, où on est par... On est au nord de la vieille ville. C'est un endroit assez particulier, parce que c'est un endroit où il y a eu beaucoup d'attentats. La plupart des attentats qui ont eu lieu en 2016, ça s'est passé ici, des tentatives d'attaque au couteau. Donc c'est considéré comme assez tendu ici. C'est pour ça que vous voyez autant de policiers partout. C'est ce qu'on appelle la porte de Damas. On est à Jérusalem-Est ici. On peut considérer ça comme Jérusalem-Est. Ici, on a déjà eu une partie de ce qu'on appelle les quartiers arabes, mis à part quelques juifs. C'est que des quartiers arabes. Alors vous habitez où ? Dedans. David Elkoubi, jeune colon de Jérusalem-Est. On est dans le chouk, ici, dans le souk en français, le chouk arabe. Beaucoup de touristes passent par là, juifs comme arabes. Ils passent par ici. Depuis combien de temps vous êtes ici ? Nous, ça va faire bientôt un an. Pourquoi vous avez choisi de vous installer ici ? Regardez par vous-même, c'est magnifique. En tant que juif, en tant qu'israélien, c'est un bonheur de pouvoir vivre dans la ville de Jérusalem. Pour moi, c'est un honneur. On est en pleine capitale d'Israël. Donc voilà, pour moi, il me semble tout à fait normal que juifs et arabes puissent cohabiter dans la capitale. Alors comment ça se passe justement, la cohabitation ? Elle est avec nos voisins proches, elle est très bonne. Plusieurs fois, je suis rentrés chez eux, ils sont rentrés chez nous, on a pris le café ensemble. Ensuite, je pourrais vous montrer, voilà, vous voyez, chaque fois qu'il y a de la peinture blanche, c'est parce que la mairie a dû effacer des graffitis sur les murs qui appellent à la haine, au meurtre des juifs. Il y a une ambiance qui n'est pas tout à fait saine. Il y a eu plusieurs attaques qui ont été commises. Il y a près d'un an et demi, un des habitants ici a été assassiné. Donc il y a ce sentiment que la population arabe n'est pas à 100% d'accord avec le fait qu'on vive ici. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Par exemple ici, en blanc, il est marqué Hamas en arabe. Ici, on voit une étoile de David avec une croix. On reçoit aussi des injures, des invectives. On passe dans la rue. Il y a une société qui s'occupe de nous protéger. Quand je veux sortir de la maison ou quand je veux rentrer à la maison, j'appelle la société de garde du corps. Et deux gardes du corps arrivent chez moi pour nous escorter. C'est le cas essentiellement des femmes et des enfants ici qui ont un réel besoin d'escorte. Oui, encore une fois, Hamas. Donc voilà. Alors vos gardes du corps là, ils sont où ? Les gardes du corps, il faut les appeler. Moi personnellement, je ne les utilise pas souvent. Si ce n'est quand je suis avec ma femme. Quand on a un réel besoin ou qu'il y a une situation un peu de crise, alors on les appelle, comme ça on est plus tranquille. Par exemple le vendredi, le jour de la prière. Parce que c'est essentiellement une population qui est extérieure à la vieille ville, qui vient ici, il y a plus de risques de dérapage. Voilà, alors nous on habite ici, c'est un bâtiment où il y a 4 familles. On habite dans cette maison. Il y a un toit qui est magnifique, une vue qui est magnifique si vous voulez. On peut peut-être s'installer là-haut. Comme vous voulez. Quand vous me posez la question pourquoi est-ce que j'habite ici, la réponse est devant vous. Ouais. C'est un des bâtiments les plus hauts de la vieille ville, comme vous le voyez. Là, ici, c'est le mont des Oliviers. Il est blanc parce que c'est des tombes, c'est un cimetière. Ici, coupole dorée, qui est considérée par les juifs comme l'endroit le plus sacré au monde. C'est l'endroit où il y avait le temple. Au niveau de la loi juive, moi personnellement, je ne peux pas m'approcher de cette coupole parce que je ne suis pas assez pur. C'est-à-dire que l'endroit le plus sacré pour les juifs, ça serait la mosquée d'El-Aqsa ? Alors, la mosquée d'El-Aqsa dont vous parlez, c'est pas la coupole dorée, il faut faire une différence. La coupole dorée est une coupole dorée, mais elle ne fait pas office de mosquée. La mosquée d'El-Aqsa, celle qu'on appelle mosquée d'El-Aqsa, c'est la coupole qui est plus loin, la coupole argentée, vous voyez ? La mosquée d'El-Aqsa, en fait, elle est au sud du mont du Temple. On peut s'asseoir là. Moi, je ne me servirai pas ici, parce que je ne veux pas donner le dos au mont du Temple. Non mais vous pouvez vous asseoir, il n'y a aucun problème. Moi je peux pas, c'est une question de respect. Tous les juifs du monde, aujourd'hui, à ce moment même, lorsqu'ils prient, ils se tournent vers cet endroit-là, depuis toujours. Les 2000 ans d'exil qu'on vient de passer. Alors pourquoi avoir quitté la France pour venir ici ? Je suis avant tout venu en Israël, vous voyez ce que je veux dire ? Pour tout vous dire, c'est pour ça que votre question au tout début m'a un peu gêné. Votre étonnement en tout cas, de pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir habiter ici, en précisant que c'est un quartier arabe, pour moi ça me gêne un peu cette question. Non, je vous posais cette question parce que j'ai pu remarquer que vous étiez armé. Oui. C'est compliqué de vivre armé, c'est compliqué de vivre dans la peur, c'est compliqué de vivre en se disant qu'on a besoin de garde du corps dans sa vie quotidienne, tout simplement. Effectivement, c'est compliqué, mais montez sur le toit, regardez autour de vous et vous comprenez que ça vaut le coup. Surtout quand on comprend qu'on continue une histoire qui a commencé il y a 3000 ans, plus de 3000 ans. Donc c'est ce sentiment de continuer l'histoire de mon peuple, du peuple d'Israël qui revient sur sa terre et qui revient à sa capitale. Pour moi, vaut tous les encombrements d'appeler un garde du corps 20 minutes avant de sortir ou de devoir porter une arme. Quand je me suis baladé avec vous, j'ai dû me retourner plusieurs fois pour voir qu'il n'y a pas de danger derrière nous. Effectivement, c'est encombrant, c'est pas léger. Mais cet encombrement, pour moi, il est dérisoire par rapport à ce qu'on reçoit, à ce qu'on continue, à ce qu'on vit. 100 fois, j'aurais dit oui, sans me poser la question. Nous sommes actuellement à un endroit particulièrement intéressant, très proche du Dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa. Jonathan Mizrahi, archéologue militant. On peut voir les murs de la vieille ville, on peut voir les maisons de Silwan. Vous avez mentionné Silwan, mais en fait Silwan est aussi là où nous sommes. Nous sommes sur le toit d'une maison de Silwan. Cité de David est un nom donné à un site archéologique qui fait partie de Silwan. Sous le village et dans les environs, des archéologues ont trouvé des traces qui remontent à la création de Jérusalem. Jérusalem qui a été établie par les Cananéens, puis qui est devenue plus tard la capitale de la Judée, puis qui a été détruite, reconstruite, et qui s'est déplacée à l'endroit de la vieille ville, des murs d'enceinte vers le Saint-Sépulcre, etc. Bref, la cité de David est un petit site archéologique à l'endroit où Jérusalem est née. Ce n'est pas un site important comparé aux autres sites datant de la même époque, mais c'est un site où on a creusé à cause de la Bible. Pas seulement, mais principalement à cause de la Bible. On a creusé pour mettre au jour des éléments permettant de mieux comprendre les débuts de Jérusalem. Le nom du site a été donné par les chrétiens, puis adopté par les juifs, qui considèrent David et Salomon comme des rois importants. Mais pour moi, Cité de David est un nom qui pose problème, parce que nous sommes dans un village qui s'appelle Silwan. Le nom correspond à la figure de David, le roi David, qui pour certains est une figure religieuse, mais qui pour beaucoup d'Israéliens est aussi une figure nationaliste, car considéré comme le premier à avoir unifié les 12 tribus, en un royaume et avoir établi la capitale à Jérusalem. C'est le point de départ de notre nationalisme. Que ce soit vrai ou non n'a aucune importance. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde se fiche de savoir si le récit est vrai ou non. Que David ait existé ou pas n'a pas vraiment d'importance. Qu'il ait régné 30 ans ou pas, non plus. Que la capitale ait été ici ou derrière le mont des Oliviers, non plus. Les Israéliens ont décidé que oui, c'est la capitale. L'important, c'est le récit. Que les scientifiques ou les archéologues soient d'un autre avis, ça n'a pas d'importance. Bien sûr, ça a de l'importance pour les Palestiniens qui vivent ici, parce que ce site affecte directement leur vie. Ça a aussi de l'importance pour les Palestiniens en tant que nation, puisqu'ils considèrent Jérusalem-Est comme leur capitale. Et ça a de l'importance pour les Israéliens qui considèrent Jérusalem comme leur capitale, et pas seulement comme leur capitale, mais comme un aspect de leur identité. C'est important à comprendre, je crois. L'archéologie et l'identité vont de pair ici à Jérusalem. Et c'est pourquoi les tensions sont si vives ici. À flanc de colline, le quartier de Silouane regarde le dôme du rocher et la vieille France ville. Inter. C'est ici que des colons juifs ont décidé de s'implanter depuis 30 ans. Et il y a deux jours, c'est un véritable raid nocturne qu'ils ont mené. À 2h du matin, accompagnés de la police israélienne, plusieurs dizaines de colons ont pris possession de 7 immeubles et de 25 appartements du jamais vu. Maintenant, il y aura encore plus de gardiens de sécurité privés, raconte ce jeune chef de village. Ils vont créer des problèmes dans le quartier. Les colons font exprès de prier très fort pour montrer qu'ils sont chez eux. Ils viennent ici à Silouane, ajoute-t-il, car ils disent que c'est la cité du roi David, qu'elle leur appartient et qu'ils veulent la contrôler. Ce n'est pas par la force que ces colons ont pris possession des lieux. Ils avaient les clés des appartements comme de simples propriétaires. En fait, la plupart des 7 immeubles ont été achetés par la riche association Elad, qui milite pour la judaïsation des quartiers arabes. Elle a proposé des centaines de milliers de dollars à des habitants palestiniens qui ont fini par céder et provoquer la rage de ce militant local, Jawad Siyam. Ceux qui vendent leurs maisons à des associations de colons, c'est ce qu'il y a de pire sur la terre. Ils ne font plus partie de notre société, ils seront virés du village. Ils doivent être punis. On devrait les mettre en prison, car mes voisins vendent leur maison. C'est ma vie qui va devenir misérable et terrible. Les Palestiniens qui vendent leurs terres à des Juifs encourent la peine de mort devant les tribunaux de Cisjordanie, une sanction qui n'a jamais été appliquée. Mais il y a quelques semaines, un promoteur immobilier palestinien chargé d'acheter des appartements pour le compte des colons juifs a été tué dans les rues de Silouane. Vous savez, il y a 30 ans, ils ont commencé à venir s'installer dans ces maisons-là. À l'époque, c'était beaucoup plus dur. Qui ça, il ? C'est une association qui s'occupe d'acheter ici, à Teret Kohanim, qui s'occupe d'acheter dans la vieille ville. C'est une sorte d'agent immobilier, si vous voulez, de la vieille ville. Et chaque juif qui veut acheter ici, il leur sert d'agent. Puisque vous imaginez bien que c'est pas tout le temps facile d'acheter ici pour un juif ou pour un arabe de vendre. Des arabes veulent vendre ici, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont une pression ou une menace. Pourquoi ils veulent vendre, les Arabes ? Pour certains, ça ne leur convient pas de vivre ici. Ils veulent faire une bonne affaire. Les bâtiments qui sont rachetés par des Juifs sont rachetés beaucoup plus cher que s'ils avaient été vendus à des Arabes. Donc pour eux, c'est une très bonne affaire. Vous savez, les Arabes, beaucoup d'Arabes veulent n'ont pas ce discours politique qu'on peut entendre dans les médias. Beaucoup veulent vivre une vie tout à fait normale. Mais malheureusement, ils n'ont pas tout le temps cette chance ou ce droit-là, puisqu'il y a dans la société arabe et palestinienne une interdiction très claire de vendre. Donc souvent, lorsqu'on achète, l'association, il faut leur accorder une protection, leur assurer une protection, une possibilité de construire une nouvelle vie. C'est presque un film d'action. Donc voilà, lorsqu'ils ont commencé cette association il y a 30 ans, quand les Juifs sont arrivés ici, ils ont été, comme vous pouvez l'imaginer, très mal reçus. Mais le fait qu'on vive ici permet de créer un dialogue et de créer une sorte de réalité où il y a une compréhension qu'on ne bougera pas d'ici. Et puisqu'on ne bougera pas d'ici, il va falloir qu'on puisse vivre ensemble, et ce vivre ensemble ne fera que se renforcer avec le temps, avec le nombre de Juifs qui vivent ici et qui se baladent ici. Farah Abou Diaf, habitant de Silouane. On voit des colons et des gardes tout le temps. Ils ont des sociétés de sécurité privées à leur service. Nos enfants, quand ils partent le matin, qu'ils reviennent le soir, quand ils vont faire une course ou simplement quand ils sortent jouer dans la rue, ils voient les colons, les gardes, l'armée, ils voient des armes. il y a des provocations. Quand les colons passent, les rues sont bloquées le temps qu'ils passent. C'est la vie de centaines d'habitants qui est soumise à celle de quelques colons. Regardez les projecteurs qui sont braqués sur nous et toutes les caméras qui nous surveillent. Je n'ai pas d'intimité. Si je vais sur le toit de ma maison, et même dans ma maison, à cause de toutes ces caméras partout, ils assurent leur protection, mais c'est au détriment de notre humanité. Parlons des faits, parlons de cet endroit et des habitants de Silwan qui ont toujours vécu ici. Quand les colons ont commencé à s'installer à Silwan, c'était dans une perspective de remplacement ethnique. C'est-à-dire qu'ils pensent avoir un droit de propriété sur ce village, sur cette terre, sur cette histoire. Et c'est pourquoi ils veulent nous chasser d'ici, de cette zone. Sous prétexte que le roi David vivait là. Je dis, moi, que je suis un descendant du roi David. Parce que nous croyons, nous aussi, que c'était un prophète, comme nous croyons à Mohammed comme prophète. Et cette idéologie, cette mentalité des colons est purement égoïste. Ils ne veulent pas vivre avec nous. Ils veulent nous chasser et prendre notre place. Admettons que le roi David ait vécu là. Ce que dit la science n'a pas d'importance. Disons qu'il vivait là. Yonatan Mizrahi, archéologue militant. Il vivait là il y a 3000 ans. Aujourd'hui, d'autres gens vivent là. Ce sont des faits, d'accord? Et donc vous arrivez et vous dites qu'en raison de ce qui existait il y a 3000 ans, la vie des habitants d'aujourd'hui n'a pas d'importance. Votre vie seule importe et vous voulez vivre ici de nouveau. Mais vous devez comprendre que les choses ont changé. En venant ici, vous devez comprendre le décalage entre avoir vécu là il y a 2000 ans et maintenant. Personne n'attend personne pendant 2000 ans, d'accord? C'est la vie. À mes débuts, je travaillais pour la direction israélienne de l'archéologie. J'ai beaucoup travaillé à Jérusalem-Est, j'ai fait beaucoup de fouilles, beaucoup de supervision de chantiers de fouilles. J'ai même travaillé sur les projets de murs de séparation à Jérusalem-Est et ailleurs. Et puis j'ai quitté la direction de l'archéologie parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas seulement l'archéologie, les fouilles, la recherche, mais aussi leur utilisation politique au profit d'une communauté, au profit d'un récit. Et c'est pourquoi je me suis engagé avec des collègues pour agir notamment sur la question de Silwan. Parce que nous sentions que le site archéologique, à l'époque nous étions en 2005-2007, nous sentions que l'archéologie était plus importante que le village. Et donc nous avons commencé à organiser des visites archéologiques alternatives qui proposaient aux touristes de découvrir vraiment l'archéologie dans cette zone. De voir que l'archéologie pouvait être autre chose qu'un argument nationaliste. Et surtout de réaliser qu'à côté du site, il y avait des gens qui vivaient et qu'on ne pouvait pas en faire abstraction. Donc nous avons commencé ces visites et nous nous sommes assez vite retrouvés en conflit avec les colons, avec l'archéologie officielle. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans plusieurs procès. Premièrement, pour dénoncer la façon dont ce site est instrumentalisé, que ce soit au profit du récit national, de l'expansion territoriale, de l'appropriation des terrains, soi-disant pour le site, mais en fait aussi pour l'installation de colons. et deuxièmement pour porter la situation à la connaissance du public et de la communauté internationale. Pour nous, le récit historique doit être sur la table. Certes, il y a un conflit territorial, mais si nous ne parlons pas du récit historique, et si nous ne devenons pas plus tolérants à l'égard du récit des uns et des autres, les tensions ne feront qu'empirer. Chantal Abou Aïché. Donc là, on est au checkpoint qui permet ou qui empêche l'accès à la mosquée d'Abraham. Donc il y a un premier tourniquet, puis un portail électronique, puis un autre contrôle avec soldats israéliens, puis après on arrive à la mosquée. Sonne à chaque fois qu'il y a un truc métallique, évidemment. Donc les gens qui passent là plusieurs fois par jour, soit pour aller prier à la mosquée, soit parce qu'ils habitent proche de la mosquée, ben, ils se tapent ce passage-là systématiquement. Et... طيب شوفوا شوفوا الاعلام شوفوا يحكم على الاعلام يحكم على المسؤولين هذا كل يوم بيسوونا هون فوضى كل يوم بيسوونا كل يوم قانون il me dit monsieur vous voyez quel bordel c'est chaque jour ils enquiquinent les gens qui passent c'est vraiment insupportable tous les jours tous les jours tous les jours مش ولا واحد تقدر تحكي معه ولا ضابط تعرف تحكي معه ولا واحد تقدر تفهم معه مش قانون هذا on n'arrive pas alors à parler ces gens c'est impossible il y a puis il y a pas de droit ولا في قانون في فرنسا في قانون في بريطانيا في قانون في امريكا ما فيش la France l'Angleterre c'est des états de droit ici il y a pas de droit bon on nous demande de dégager de pas rester près du soldat ils aiment jamais مش قانون هذا On va descendre jusqu'en bas, là. Donc ça, c'est la fameuse, le début de la rue des Martyrs. Donc ces magasins-là sont fermés d'ordre militaire. Quelques-uns avaient eu le droit de rouvrir. Finalement, ils ont été refermés. Alors ça, c'est aussi l'occupation de l'espace sonore. Voilà, les Israéliens mettent une... sur la caisse, de la musique, mais même parfois à 4h du matin, quoi, histoire d'empêcher les quelques personnes qui habitent encore dans le coin de dormir paisiblement. Si vous regardez la carte des sites archéologiques en territoire palestinien fouillés depuis 1967, mais c'est hallucinant, c'est une ruche, quoi. Vous avez des petits trous partout. Combien de colonies maintenant sont installées à proximité ou même sur des sites archéo et porte le nom, d'ailleurs biblique, de ces sites. Bon, utilisation de l'archéologie à des fins politiques, ça on connaît. Voilà, c'est l'objectif. Donc, on connaît, mais en même temps, c'est fondamental. On connaît ici, quoi. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? Il y a le tombeau des patriarches, il y a quoi ? Alors, le tombeau des patriarches, ça, il a toujours été visible. Il n'y a pas eu de découverte majeure. Je dirais, il est là depuis... le mur d'enceinte depuis Constantin, 25 avant Jésus-Christ, puis après, une modification successive. Par contre, Bontel Roumeda, il y a des découvertes, âge de bronze, âge de fer, bain rituel juif. Après, on utilise le lieu comme à Silouane, par exemple, parce qu'il est stratégiquement bien placé. Il y a d'autres sites archéologiques, par exemple à Samou, qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici, qui a été synagogue, église, mosquée. Mais bon, la ville de Samou n'est pas colonisée parce qu'il y a ce site. C'est un site mineur qui n'est pas tellement stratégique pour eux. Alors que Tel Roumeda, ça surplombe la vieille ville. Bon, Kermetsour, c'est au nord d'Hébron. Enfin bref, Soussia, c'est au sud. Donc après, ça permet une répartition des colonies sur des sites stratégiques. Peu importe la façon de compter. 70 ans, 50 ans d'occupation, peu importe. Les choses n'ont pas changé. Jonathan Mizrahi. Jérusalem-Est fait toujours partie de la Cisjordanie. Il n'est toujours reconnu par aucun État, y compris les États-Unis, comme la capitale d'Israël. Les choses n'ont pas changé. Les Palestiniens vivent toujours ici. Ils considèrent toujours Jérusalem comme leur capitale. Et les Israéliens aussi la considèrent comme leur capitale. Ces choses n'ont pas changé. Les deux parties veulent toujours s'entretuer pour cette cité. Les deux parties s'accusent mutuellement. Ça n'a pas changé non plus. Après 70 ans, ce dont on est sûr, c'est que Israël est là et que les Palestiniens sont là. Ça n'a pas changé. Terre trois fois sainte et la question palestinienne. Avec Chantal Abouaïcheh, Noam Arnon, des colons d'Hébron, David Elkoubi, Jonathan Mizrahi, Jonathan Berg, Far Aboudiaf et Shlomo Zand. Avec les voix de Laetitia Eido, Laurent Lederer et Nicolas Raka. Merci à Johanna Blickman, Déborah et Shimon Mercerwood, Nali Epstein, Daniel Friedman, Gwen Michel de Lina pour les archives, Nidal Rafa et Tamara Zénine. Prise de son Benjamin Thuot, réalisation Assia Khalid, mixage Célia Dufour, attaché de production Marivonne Bolivier, coordination Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez fouiller, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour Hébron, nous réécouter au Checkpoint, et bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et maintenant même sur Instagram pour voir des images du dedans de la radio. Demain, dernier épisode, être israélien, telle est la question. Et toute la semaine, les 70 ans d'Israël sont aussi au programme de la Fabrique de l'Histoire.